C'est pas vrai. Mais qui a dit que le week-end c'était le meilleur moment de la semaine? C'est pas vrai. Et écoute, j'ai passé un week-end pourri. Écoute, ça a commencé comme ça. Samedi bon au lever 8h, j'ai fait un gros de rêve où le malin s'en prend à moi et tout à coup m'achève. Puis je me suis réveillé, j'ai bien transpiré. Une bonne prière s'impose pour bien commencer la journée. Pour l'instant c'est pas trop ça. J'arrive dans le salon, devine ce que je vois. D'abord on sonne à la porte, on voit qui va là. Pipo, Léo, Sam et Séverine qui me disent quoi? Mais dites-moi donc où avez-vous prévu d'aller? Je viens de me réveiller et je suis même pas lavé. Ah ouais, j'ai oublié, c'est vrai, on doit chanter. Ok, ok, ça me fait. J'ai 10 minutes pour me préparer, pour me laver, pour me brosser, pour me coiffer, pour m'habiller, petit déjeuner. Catman, oh là là. Non, non, non, non, non, je vais jamais y arriver. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas lâcher. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas lâcher. Difficilement direction la province. La route est longue sur l'autoroute, j'ai l'impression que ça coince. Là je suis désespéré. C'est quoi cette vie journée? 2 heures plus tard je crie au ciel de venir nous aider. Pour l'instant c'est pas trop ça. Balance dans 10 minutes, on est toujours sur la 3. Soudain mon téléphone sonne. Décrochons voir qui va là. Allô, ouais, on a une sorte. Premièrement je te demandais de te calmer. Je connais pas d'Anissa et je sais même pas qui t'es. Je crois que tu t'es trompé. Franchement c'est fou, le chrétien je l'avoue. Qu'on me marche sur les pieds et moi que je tende la joue. Bien des fois on aimerait rendre coup pour coup. Mais garder ma bénédiction vaut plus que tout. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas lâcher. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? Ok, j'en étais où dans mon histoire? Oh, bref, il s'est passé vraiment tellement de choses ce samedi-là que il y avait de quoi péter un câble. Mais bon, tu sais, quand t'as la foi, quand t'es chrétien, c'est comme ça que ça se passe. Et dans tout ça, faut savoir que la journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas lâcher. Mais c'est qu'une impression, pas hein, parce qu'avec la foi, bah tu sais. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas me lâcher. Bah avec la foi, bah tu tiens debout et puis c'est tout. La journée n'est fait que commencer. Mais dis-moi comment va-t-elle terminer? J'ai l'impression que la pause va pas me lâcher.